Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Septième épisode. Darley vivait tout entier sous l'emprise amoureuse de Justine. Il se croyait, se voulait le seul homme aimé de la troublante jeune femme. Il ignorait que l'homme auquel Justine vouait un amour et une admiration éperdue n'était autre que son voisin et ami, Perse Warden. Qui plus est, voilà que pour Darley, après les joies et les tourments de l'amour naissant, venait celui de l'inquiétude provoquée par certains propos de la jeune femme. Je ne sais pas ce qui arrive à Nessim, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il a changé. Il est devenu taciturne et renfermé. Tu crois qu'il se doute de quelque chose pour nous ? Je me sens prise au piège. J'ai peur. J'ai l'impression qu'il me veut du mal. La semaine dernière, tu sais, le soir où je suis partie au Caire pour aller chercher Perse Warden. Oui, eh bien. Sur la route du désert, les phares de la Rolls se sont éteints tout d'un coup. J'ai perdu le contrôle de la voiture. Elle a quitté la route et elle allait se ficher dans une dune de sable, enlisée jusqu'au pare-brise. Et c'est maintenant que tu me le dis. Quand le garagiste est venu me dépanner, qu'il a ouvert le capot, il a vu que des fils avaient été sectionnés. Et tu crois vraiment que Nessim irait jusqu'à... Il est devenu d'une jalousie terrible. Il voit de la trahison partout. C'est-à-dire ? Une liste d'achats, une carte de visite de restaurant, tout et n'importe quoi. C'est un enfer. Avec moi aussi, il a changé. Il est devenu familier, plein de sollicitude. Cette façon qu'il a maintenant de poser sa main sur mon bras quand nous parlons, tu as remarqué ? Je sais. J'ai vu. Cela aussi m'inquiète. La culpabilité se hâte toujours vers son double complémentaire, le châtiment. C'est là seulement qu'elle trouve son apaisement. Un désir secret d'expiation dictait la folie de Justine, qui avait toujours été plus grande que la mienne. Dès lors, chaque jour apportait son lot de présages et d'avertissements dont notre anxiété s'emparait et se nourrissait avidement. Un soir, nous bavardions, Justine et moi, dans sa grande chambre à coucher. Nessim était parti au Caire où il était censé faire une émission à la radio au profit de je ne sais quelle œuvre de charité. Nous revenions de la plage. On écoute Nessim ? Oui, c'est en direct, n'est-ce pas ? Oui. S'inquiétude concernant voilà. L'attention. C'est cette station-là. Ça a commencé. Ont eu des conséquences non négligeables qu'il convient de. Comme sa voix vieillit. C'est vrai, mais elle reste belle. Écoute, à la bourse de Liverpool, par exemple, qui intéresse notre pays au plus haut point. Mais les gens. Tu entends ses pas dans l'escalier de service. C'est un homme. Tire la poignée de la porte de la salle de bain. Grand, mince. Tu vois qui c'est ? Non. Il a un chapeau de feutre mou rabattu sur le visage. Justine posa son bras sur mon épaule et nous demeurâmes ainsi, tendus vers la silhouette noire, envahis par un calme intérieur extraordinaire, une attente rétractée, excitante. L'homme hocha lentement la tête, glissa quelque chose dans sa poche, s'écarta, et sa silhouette fondit graduellement derrière la vitre. Nous entendîmes les pas diminuer doucement en une triste gamme descendante. Merci, Nessim Osnani, de nous avoir éclairé. Mais c'est moi qui vous remercie. C'était donc le banquier Nessim Osnani. Une émission enregistrée le 3 août dernier dans les studios de Radio Le Caire. C'était donc Nessim, il n'est pas au Caire. Mais pourquoi n'a-t-il pas ouvert la porte ? Il a dû peser le pour et le contre. Nessim n'agit jamais à la légère. Pour détourner Justine de la quête obsessionnelle de son enfant, Nessim lui avait fait construire un adorable palais d'été dans une oasis à quelques kilomètres d'Alexandrie, à Bourg el-Arab. Justine décida d'y prendre ses quartiers. Torturée par son absence et par l'inquiétude que me causait l'attitude de Nessim, je lui envoyais un billet. Reviens, reviens, je t'en supplie, ou bien fais-moi venir. Mélissa est partie quelques semaines en sanatorium. Je n'en peux plus d'être loin de toi. Selim, le chauffeur, vint bientôt me prendre et me conduire à l'oasis. Lorsque j'arrivais dans la palmeraie, Justine, démon fantasque, plein de vie, perpétuellement en mouvement, fit son apparition sur son cheval arabe. Bonjour, Darley. Céline va vous montrer votre chambre. Nessim, mon chéri, tu travailles trop. Et moi, je te délaisse avec mes interminables cavalcades. Viens sur la terrasse. Je nous fais préparer un thé. Nessim me reçut avec des marques de tendresse étudiées. En fait, il était heureux de nous voir réunis de nouveau. Ici, du moins, on avait l'illusion d'un bonheur que la ville nous refusait. Nous nous levions tôt le matin. Justine et moi partions à travers les dunes et allions nous baigner, pendant que Nessim se retirait pour travailler à ses affaires dans le petit observatoire que Justine lui avait aménagé tout en haut de la maison. Elle y avait fait mettre un télescope avec lequel Nessim pouvait se livrer à son passe-temps favori, l'astronomie. À 200 mètres environ de l'oasis, s'était formée une petite lagune peu profonde, séparée de la mer par une longue dune incurvée. Une hutte de roseaux recouverte de feuillage permettait de se reposer à l'ombre et servait de cabine de plage. C'est là qu'un jour, je trouvais le mot « attention » écrit en grec sur le sable. Je n'en dis rien à Justine. Peu après, un autre incident se produisit qui ne fit que donner plus de poids à cet avertissement. Vous cherchez quelque chose, Darley ? Oui, du papier à lettres pour écrire à Mélissa. Comment va-t-elle ? Cette petite cure semble lui faire beaucoup de bien. Tant mieux, tant mieux. L'air d'Alexandrie est une plaie pour les affections comme la tuberculose. Vous trouverez du papier à lettres dans mon bureau. Merci, Nessim. Je montais dans le petit observatoire et, tandis que je fouillais son bureau, je m'aperçus que les télescopes n'étaient pas braqués vers le ciel, mais droit sur les dunes, dans cette direction où l'on pouvait apercevoir, le soir, l'étrange brouillard que la ville exhalait. Je m'installai sur le petit trépied et, collant mon œil à l'oculaire, je m'efforçais de mettre au point l'image floue et tremblotante. Merde alors. À la place des pointes et de la haute atmosphère d'Alexandrie, je vis bientôt apparaître la hutte de roseaux où, moins d'une heure plus tôt, Justine et moi avions fait l'amour. C'était comme si, tout à coup, dans une chambre obscure mais familière et que l'on croyait vide, une main s'abattait sur votre épaule. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez, Darley ? Oui. Merci, Nessim. Je m'assis dans un fauteuil sur la terrasse, devant la mer, cherchant ce que j'allais écrire à Mélissa. Mon amour, j'ai bien reçu ta dernière lettre. Si fine, si pleine d'humour et de gaieté. On dirait que tu as grandi, que tu es devenu plus sûr de toi. Merci pour cette paix que tu me donnes. Mon moineau du Nil, je pense à toi. Après l'épisode du télescope, nous décidâmes, Justine et moi, qu'il était plus prudent que je rentre à Alexandrie. Heureusement, j'y retrouverai celle qui était devenue la tendre confidente de mes tourments, Cléa. Cléa. La douce, l'aimable, l'insaisissable Cléa, l'amie de tous, Justine, Nessim, Balthazar et Mélissa. Elle vivait simplement dans un confortable grenier, aménagé en studio, avec pour tout mobilier un lit en fer et quelques chaises longues. Elle vivait sans amant, ni autre lien familial que son père, sans malice, sans chat ni chien, se concentrant avec sincérité sur sa peinture qu'elle prenait au sérieux, mais pas trop. Darley, Mais si nous devons être amis, ne pensez jamais ou ne dites jamais que je suis de ceux qui se refusent à quelque chose dans la vie. Ma solitude ne me prive de rien. Et je ne peux pas être autre que ce que je suis. Je veux que vous voyez à quel point ma vie est une réussite. Je vous entends, Claire. Au fond, avoir une grande beauté, assez d'argent pour se créer une vie indépendante, avoir du talent, autant de crimes dont les envieux et les ratés vous accusent. Mais tout de même, l'amour, vous n'avez jamais voulu vous marier. Mon cher ami, sachez que l'amour ne m'intéresse que très brièvement. Et les hommes encore plus brièvement. La seule expérience qui m'ait marquée a été une relation avec une femme. Tout autre rapport physique me semblerait aujourd'hui horriblement vulgaire, vide. Et surtout, n'allez pas imaginer que je souffre de quelque élégant chagrin d'amour, non. Vraiment, non. Je ne vous suis pas. D'une certaine façon, je sens que notre amour a vraiment gagné dans la perte de l'objet aimé. C'est comme si la présence physique de l'autre empêchait la réalisation de nos sentiments. C'était un paisible après-midi d'automne. Nous nous promenions sur la corniche balayée par une fine pluie sous un ciel pâlissant. Tout en parlant, Cléa avait glissé son bras sous le mien affectueusement. Elle me souriait avec une telle tendresse qu'un passant aurait pu s'y tromper et nous prendre pour des amoureux. Mais le jour de mon départ de l'oasis, en regardant par la lunette arrière de la Rolls s'éloigner le palais d'été et la palmeraie s'évanouir tel un mirage, je n'étais que tourment et anxiété. C'est ouvert! Oh, Darley! Déjà retour? Cléa, quel bonheur que vous soyez là! Vous avez l'air tout bouleversé. Entrez vite. Nos conversations se prolongeaient souvent fort avant dans la nuit. Elles m'apprirent que je pouvais m'appuyer sur la force que Cléa avait puisée dans la réflexion et la connaissance de soi. Notre amitié nous permettait de partager nos idées et nos pensées les plus intimes. Cela aurait été impossible si nous avions été unis par des liens plus intimes. C'est vrai, d'une certaine façon, je suis plus près de vous que Mélissa ou Justine. Voyez-vous, l'amour de Mélissa est trop confiant. Il l'empêche d'ouvrir les yeux. Et Justine ? Oh, sa lâche monomanie ne voit l'autre qu'à travers une image inventée de toutes pièces. Ce qui oblige à agir d'une façon si démoniaque qu'elle... Tout en parlant, Cléa avait entrepris de ranger un tas de vieux dessins empilés dans un coin. Elle en tira un portrait de Justine, traité à la manière impressionniste et manifestement inachevé. Cléa retint son souffle, le regarda avec la compassion d'une mère pour un enfant disgracieux qu'elle est la seule à trouver beau. Oh. C'est vieux déjà. Tenez, je vous l'offre. C'est bientôt votre anniversaire. Et puis il sera mieux chez vous que chez moi. Le portrait de Justine est maintenant fixé au-dessus de la vieille cheminée pour me rappeler la beauté mordante, haletante de cette tête sombre et adorée. La vieille cheminée qu'évoque Darley réchauffait la grande pièce à vivre de la maison qui, perchée sur le promontoire d'une île grecque, abritait l'écrivain irlandais depuis certains événements tragiques. Ceux-là même dont il venait de consigner les prémices. À côté de lui, une petite fille dormait. La ville à demi rêvé, combien réel cependant, commence et s'achève en nous, prend racine dans les recoins de notre mémoire. Pourquoi faut-il que j'y retourne, nuit après nuit, écrivant près du feu de caroubier, tandis que le vent égéen s'agrippe à la maison, s'acharne sur elle un instant, puis relâche son étreinte et s'en va ployer en arc l'échine des cyprès. N'en ai-je pas dit assez sur Alexandrie? Vais-je me laisser à nouveau contaminer par le rêve de cette ville et par le souvenir de ses habitants? Des rêves que je croyais avoir mis en lieu sûr, confiés au secret des chambres fortes de la mémoire. J'ai jeté ce soir un coup d'œil à mes papiers. L'enfant en a déchiré un certain nombre. D'autres ont servi à allumer le feu. Cette forme de censure me plaît, car elle a l'indifférence du monde de la nature pour les constructions de l'art. Oh ! Mais oui ! Oh ! Mais oui ! Je suis bien réel ! Balthazar ! Darley, mon ami. Mais, dites-moi, vous vivez vraiment comme un ermite. À part la vieille paysanne qui vient chaque jour du village sur sa mule pour faire le ménage, je suis absolument seul avec l'enfant. Et vous l'avez appelée comment ? Justine. Oui, naturellement. Quel autre nom pouviez-vous lui donner ? Mélissa, peut-être ? Non. Mélissa n'aurait pas voulu. Nessim aussi tient à celui de Justine. Alors, si Nessim aussi... Et ce manuscrit, bientôt fini ? Balthazar. Pourriez-vous le lire ? Plus j'avance et moins j'ai l'impression de comprendre. J'imagine aisément. Il y a tant de choses que vous ignorez. Mon bateau repart demain soir. Nous aurons le temps. Le portrait inachevé de Justine par Cléa. Vous le connaissez ? Elle a fini par s'en séparer. Le fameux portrait interrompu par un baiser. Un baiser ? Un baiser de Cléa à Justine. Un soir, tout en posant pour Cléa, Justine parlait de son enfant volé. Avec sa belle voix rauque, irrésistible. Vous savez bien. Et alors ? Hein ? Et alors ? Cléa lui a pris la main et a déposé un baiser sur l'échancrure du gant noir. Juste un baiser. C'est qu'elle ne savait pas... Quoi, Balthazar, vous en avez trop dit, allez-y. Elle ne savait pas qu'elle allait, elle aussi, basculer. Qu'elle allait passer par les mêmes ridicules contorsions que nous connaissons tous. Sentir son corps devenir un lit de chaux-vives. Elle est tombée amoureuse ? Follement. Totalement. Et puis ? Et puis, l'univers des rendez-vous secrets, du désir qui ronge comme un fer rouge, l'attente. Cléa vivait dans la fièvre toute la journée, jusqu'à l'heure où son modèle venait reprendre la pause. C'était donc Justine, le seul être que Cléa avait voulu aimer physiquement. Et elle ? Et Justine ? Vous la connaissez. Justine était simplement victime de ce désir très oriental de plaire, de faire partager à sa blonde amie les trésors que son expérience avait amassés et qui, en fin de compte, ne lui servaient à rien. Elle donnait tout et ne connaissait la valeur de rien. Vous voulez que je vous dise ? C'était une vraie parvenue de l'âme. Mon Dieu, Balthazar, quelle révélation ! J'en ai d'autres à votre service. Mais demain. Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Septième épisode. Avec Christophe Giordano, Darley, Didier Sandre, Nessim, Gérard de Sarthe, Balthazar, Valérie Lang, Justine, Vanessa Larré, Cléa, Brutage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Dimitri Scapolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Sugy.